cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Abdussalam ibn Burgess rahimahullah ta'ala al-faslu al-thani fima yajibu ala al-muslim lil-imam. هذا الفصل il est très très important. On a compris, walillahi al-hamd, l'importance du gouverneur, ses mérites et tout le bien que la Ummah elle peut avoir, elle peut profiter si ce imam il est respecté, il est mis en place et la akhira. Si tu as compris hada akhil karim, fa'lam anna en tant que mu'min, ce gouverneur, cet imam, ce amir, ce sultan, il a des hukouk sur toi, il a des droits. Enfin, tu dois respecter plusieurs choses. Il a cité هذا في الفصل الثاني. قال إذا تم تعيين الإمام بأحد الطريقين المتفق عليهما وهما اختيار أهل الحل والعقد له أو استخلافه بولاية العهد الذي العهد له من الإمام قبله أو استخلافه بولاية العهد له من الإمام قبله أو كان ذلك بطريق الغلبة. قال واستتب له الأمر وجب على المسلمين القيام بحقوق هذا الإمام. Donc si cet homme, c'est le gouverneur de tel pays, et pour devenir gouverneur, Cheikh Abdussalam il a cité هذه الطرق المتفق عليها, l'unanimité des savants que le gouverneur il devient gouverneur par ses moyens. Le premier قال اختيار أهل الحل ou l'aqd lah. Le deuxième, ou istikhlafu bi wilayat al'ahd lahu min al-imam qabla. Le premier cas, ikhtiyar ahli al-hal wa al-aqd, c'est qu'un groupe de la communauté, min al-ulama, al-hukama, ahli al-hal wa al-aqd, ceux qui ont des responsabilités, qui sont entendus, qui sont écoutés dans la communauté, eux-mêmes ils choisissent l'amir. Et le dalil ala hada, c'est ce qui s'est passé après la mort de Omar radiyallahu anhu. Omar il a désigné ahl al-shura, des personnes précises pour choisir l'amir. Awlan hada, on a des adilla min as-sunnah. On a des adilla min as-sunnah et on a bien sûr l'exemple de Omar quand il a désigné ahl al-hal wa al-aqd. ثانياً هذا سنغيان أفوغ avec les élections. انتبهوا لأن les élections بعض الناس ils font croire que c'est une shura. Shura ils traduisent par consultation. Les ulama ils ont cité des différences entre les élections et shura. Une des différences c'est quoi? C'est que shura et ceux qui vont choisir ce gouverneur c'est un groupe de personnes. فلهذا عمر رضي الله عنه il a choisi 6 personnes. 6 personnes. Et avec eux, son fils Abdullah ibn Umar. لكن ça revenait aux 6. هو il était là pour assister فقط. Le fils de عمر رضي الله عنهم أجمعين. Donc, pour Ash-Shura, c'est des personnes bien précises. Et vous avez remarqué que عمر il a choisi Al-Mubashirin bil-Jannah, ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a promis au paradis alors qu'ils étaient vivants. علي وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير وأبو عبيدة نسيت كم يجاني نسيت على كل حال المبشرين بالجنة. أما الإزلكسيون فسكي كيبوت ستو الموند الفاجر والفاسق الفاجر والفاسق كيبوت تو الموند بل dans certains pays المؤمن والكافر il n'y a pas de différence. Et كذلك, أن dans les élections, la voix, si on قدر qu'un imam de la sunna il vote avec أفجر الناس ou أكفر الناس, avec un كافر, un مجرم, la voix c'est la même. La voix de l'imam, elle sera comptée une, la voix du كافر, المجرم, elle sera comptée une. Avec cela, on voit une énorme différence entre la consultation et les élections. كذلك, les élections c'est un système qui vient de أهل الكفر والشرك والإلحاد. أما الشورى, ça vient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient de Sunnat al-Khulafa al-Rashidin. Ils l'ont mise en application. Et on avait traité le sujet des élections. Et un frère, walillahi alhamd, il avait mis la muhadra qu'on avait fait sous forme de livret en format PDF. Et walillahi alhamd, on avait cité Kalam Ahl al-Ilm dans les différences et plusieurs points. Donc, ça, c'est la première façon que Ahlul Hal ou Al-Aqd, ils se regroupent, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, mina Al-Uqala, et ils désignent le gouverneur. Comme à l'époque de, après la mort de Omar. Ils ont désigné Uthman, radiyallahu anhu. La deuxième, qalou istikhlafuhu, et bi wilayati al-ahd lah, mina al-imam qabla. Et si on aurait fait dans l'ordre chronologique, ce point, ça aurait été le premier. Et c'est l'imam lui-même qui désigne le gouverneur après lui. Comme il a fait Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, en désignant Omar. Abu Bakr, c'était le Amir. C'était l'Amir après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient tous unanimes, ils l'ont choisi, as-Sahaba, radiyallahu anhu. Donc Abu Bakr, radiyallahu anhu, après, avant sa mort, il a désigné directement l'Amir. Limadha li'annahu, il savait que Omar, radiyallahu anhu, c'était le meilleur après lui. C'était le meilleur des compagnons après Abu Bakr, enfin, il l'a désigné. Donc tu as ces deux façons pour désigner le gouverneur qui sont claires. ثم قال لا ثوازيم او كان ذلك بالطريق الغلبه واستتب له الامر الغلبه ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme il prend le dessus, الغلبه ça vient de du mot نعم غلب فلان فلانا, le fait de battre, de prendre le dessus. Enfin, si un homme il prend le dessus et ça devient الامير واستتب له الامر, enfin dans ce cas c'est lui un sultan et on doit lui obéir. Ce point, il demande quelques éclaircissements. Mais les deux premiers sont clairs. On a les deux exemples avec les compagnons, radiyallahu anhum, c'est très clair. On peut revenir à l'original pour citer Ba'd Kalam Ahl al-Ilm pour que ça soit plus clair. Dans l'original, Mu'amalatu al-Hukam fi dhaw al-Kitab wa al-Sunnah, Cheikh Abdissalam, rahmatullah alayhi, il a cité fi al-Qa'ida al-Thaniya, من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. Donc si واحد تولى الحكم, من غلب فتولى الحكم, مثلا واحد il se rebelle et il arrive à prendre le حكم بالغلبة de force, ثم استتب له, ثم les gens خلاص il a le dessus. Il a le dessus et ça devient le chef. Qala fa huwa imam. Ça devient le gouverneur. On est obligé de lui obéir. Qala al-imam Ahmad rahimahullah fi al-aqida allati rawaha anhu Abdous ibn Malik al-Attar. Hadith risala, c'est usul as-sunnah que كثير من العلماء ils ont expliqué walillahi alhamd, et on l'a étudié avec certains de nos frères. On a propagé les durous, une vingtaine de cours sur cette risala, les fondements de Ahl al-Sunnah, ayfi al-Aqida. Et parmi ces fondements, bien sûr, l'obligation d'obéir au gouverneur musulman. Fa ila sita rahimahullah wa man ghalaba alayhim, ya'ni al-wula bis-sayf hatta sara khalifa. Fa si quelqu'un il se rebelle bis-sayf, avec les armes, avec la force, hatta na'am, hatta sara khalifa wa sumiya amir al-mu'minin, fa la yahill li ahad yu'min billahi wal yawm al-akhir أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. Que ça soit un homme pieux ou que ça soit un fajr, un injuste, lakin il a réussi à prendre le pouvoir et c'est devenu al-amir, enfin, dans ce cas on se comporte avec lui comme al-amir, comme s'il a été désigné sans se rebeller ou Ahl al-Shura ils l'ont choisi, c'est la même chose. Et s'il a commis des injustices en se rebellant, il rendra des comptes يوم القيامة. Les Nabardanaz, Huna, à cause de leur ignorance, ils disent, mais lui-même, il s'est rebellé, comment on va lui obéir? S'il s'est rebellé, on se rebelle. Ça, c'est les passions et l'ignorance. Si lui, il a désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, enfin, un t'a désobéi pas à Allah, azza wa jal. Bel craint Allah, subhanahu wa ta'ala, en lui obéissant. Pas parce qu'on approuve ce qu'il a fait, ou parce qu'il a raison, ou parce que Ahl al-Sunnah, ils n'ont pas de courage. Evident, c'est du din. Fait l'imam Ahmed, rahimahullah, il a cité hada fi aqidati. وفي صحيح البخاري كتاب الأحكام باب كيف يوايع الإمام الناس عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. نعم مع أن هذا سصف avec la rébellion. قال قوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان ابن الحكم والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك مفرقة وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعو الخلافة. ست بوك à l'époque de Abdullah ibn Umar, il y a eu une fitna et deux personnes ils se prétendaient être amir. Qala, c'est qui ces deux personnes? Abdul Malik ibn Marwan et Abdullah ibn Zubayr. Radiyallahu anhu. Abdullah ibn Zubayr est le fils de Az-Zubayr ibn Awam, sahabi al-Jalil. Wa kana ibn Umar fi tilka al-mudda mtan'a an yubay' ibn Zubayr ou li Abdul Malik. Limadha li annahu yun fitna entre ba'd an-nas et ابن عمر إلى باب خيط عليجانس نيا ابن الزبير رضي الله عنه نيا عبد الملك قال فلما غلب عبد الملك كانت عبد الملك إلى يلو دسو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه إلى يتعصى السنة انجستمان واستقام لهم أمر بايع pourtant c'est عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل il sait très bien ce qui s'est passé لكن كانت عبد الملك ابن مروان إلى يلو دسو واستتب له الأمر et la fitna elle s'est calmée. Abdullah ibn Umar il a prêté allégeance et là au moins il s'est réuni autour de ce amir. قال وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء بل بعضهم ils ont rapporté الإجماع parmi eux il a cité كلام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. ثم قال وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن من حقن الدماء وتسكين الدهماء. نعم هذا فيما أذكر لأن سافافونير إن شاء الله معنا الإجماعات كي لا سيتي هذا من كلام ابن بطال أو من كلام نسيت سي سي با ابن بطال أو سي من كلام اسكو جلي نوتي هنا. نعم نعم ابن بطال فالحافظ إلى أبطي كلام ابن بطال يوصل أنشر على البخاري والحافظ ابن حجر استفاد منه يغابط بكو دو فهذا الكلام سي كلام ابن بطال لكن سي الحافظ ابن حجر إلا غابطي سي كو بيان سور إلا أبروفي لوي ميم يغابط الإجماع. قال وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. هكذا أئمة العلم لونانيميتي دي إمام دو سيت كوميونيتي ils ont rapporté l'ijma ils ont rapporté l'ijma que on doit obéir à ce amir même s'il a pris le pouvoir par la force. Si ça devient l'amir et il a pris le pouvoir, on n'a pas le droit de se rebeller même si lui-même il s'est rebellé à la base. Là il joue. Pourquoi? C'est quoi le hikmah? Pas parce qu'on approuve ce qu'il a fait. Abadan. T'aimes le kalam Ibn Battal que Al-Hafid il a rapporté fil fath. Qala lima fi dhalik min haqn ad-dima. Pour que le sang il ne coule plus. Lima d'ailleurs si l'umma il se rassemble autour de ce amir, même si c'est un injuste, bi idnillah ça va calmer al-fitna et le sang il va arrêter de couler. Wa taskin ad-dahma. الدهماء أي الفتانون أي les gens mauvais pour les calmer. لماذا؟ لأن quand il y a une fitna une rébellion الدهماء المنافقون الأشرار أهل البدع والأهواء ils se lèvent tous pour faire du mal. Enfin, avec le amir ça calme tout le monde et c'est ça qui est voulu. Donc dans les trois cas ولله الحمد il y a الإجماع. Est-ce qu'il l'a cité? N'aim fi. N'aim, قال المتفق عليهما. En parlant des deux. ثم قال وجب على المسلمين القيام بحقوق هذا الإمام. فمام le troisième, donc il y a l'Ijma. هذا, c'est important, يا إخوان, avant de citer حقوق الإمام. لماذا؟ لأن pour savoir les droits que tu dois respecter, tu dois savoir c'est qui l'Imam. Amir al-Mu'minin, al-Hakim, le gouverneur. Donc on répète ces trois cas. S'il est désigné par l'imam avant lui, falhamdulillah, c'est un imam. Si il est désigné par al-Hal ou al-Aqd, avec Shura, la consultation, c'est un imam. S'il a pris le pouvoir par la force, c'est un imam. Non. Ça ne veut pas dire qu'il y a que ces trois. Tant que c'est un imam, il est reconnu, là, qu'il y a ces trois, l'ulama, il les cite, les malades, il y en a, c'est les plus connus, il y a des adillah, il y a akhir. Ou illa, si on qadr que un, dans certains pays, maintenant, l'un, c'est avec les élections, il devient président, c'est un gouverneur. C'est un gouverneur. S'il a été élu dans un pays musulman, et maintenant, les pays où c'est pas des royaumes, c'est un président, il fonctionne un avec des élections. Enfin, s'il est élu et ça devient le gouverneur, enfin, on obéit, on écoute. On n'a pas le droit de se rebeller, on ne peut pas obéir. Il a été élu par les élections. Ça, c'est min al-jahl. Al-ulama, ils acceptent l'autorité de Ha'oula, même s'ils ont été élus avec ce système qui est contraire à notre din. Et ta'ammalou, l'imada, ça ressemble à celui qui a pris le pouvoir par la force. Celui qui a pris le pouvoir par la force, il a pris le pouvoir par un moyen non légiféré. Maintenant, lui-même, il se rebelle contre le gouverneur qui était avant lui. C'est haram, la rébellion. Et Obama, il a commis des injustices. Il a fait couler le sang. S'il prend le pouvoir pour calmer la fitna, on écoute et on obéit. Donc, si on a accepté dans ce cas, s'il prend le pouvoir par les élections sans faire couler le sang, et il a le plus de voix, même si la méthode elle est mauvaise, on accepte sa place et son statut de gouverneur, alhamdoulillah. Qala wa huquq al-imam huququn nassa Allah ta'ala 'alayha fi kitabihi al-'aziz wa nassa 'alayha an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam. Donc on sait comment le gouverneur il est désigné. Et dans ce cas, donc, on doit respecter ces huquqs. Ces huquqs, ils sont cités dans le Coran et dans la Sunna. Et il va citer plusieurs huquqs avec un dalil pour chaque. قال وذلك ليعلم المسلم أن هذه الحقوق في غاية الأهمية فالقيام بها حتم لا يسمح بالتقصير فيها. Pourquoi? Parce que c'est un bien pour toute la communauté. Si ces huquqs ne sont pas respectés, la umma, elle devient instable. Si ces huquqs ne sont pas respectés, les ennemis d'Allah, ils en profitent pour semer la corruption, pour déstabiliser encore plus les musulmans et pour en profiter. On ne doit pas être négligent. C'est des huquqs azim. Et en tant que musulman, si le gouverneur c'est un musulman, tu es concerné, akhil karim. Iyak wa iyak wa al-musharibin wa al-dahma, comme il les a appelés Ibn Battal, rahmatullah alayhi. Ahlul fitan, annahum ils font tout pour déstabiliser, wala yubalun limadha, annahum ils ont un problème fi aqidatihim. Et كذلك ils ont un problème fi al-khawf wal-wara', la yakhafun Allah illa qalilan, si craint Allah azza wa jall. Wa illa celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et yakhaf min Allah subhanahu wa ta'ala. Là, chaque année, il va réfléchir à deux fois avant de désobéir. Ben, il va s'écarter min hada ta'atan lillahi azza wa jal wa li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Et plus l'insan a des faiblesses dans sa foi ou des choubahs dans sa aqida, plus il s'écartera de un ou de plusieurs huquq et ça fera du mal à lui-même et robama à la umma. Qala rahimahullah wa man qassara faqad rattaba ash-shar'a المطهر له عقوبات زاجرة منها عقوبات تتعلق بالدنيا ومنها عقوبات في الآخرة وهذا بيان هذه الحقوق. نعم celui qui respecte pas ses حقوق il est exposé à la punition ici-bas et au châtiment dans l'au-delà. Et là il va citer certains points concernant cela. أما le premier حق البيعة له البيعة il traduit par prêter allégeance à ce amir. قال فيبايعه أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين ممن تيسر حضورهم ويكون ذلك ملزما لكل مسلم. Donc أهل الحل والعقد, les responsables, ceux qui ont une haute manzila dans la Ummah. Et كذلك قال عموم المسلمين, ils doivent prêter allégeance à ce Amir. Et quand il prend le pouvoir. Comme quand Abu Bakr radiyallahu anhu s'est devenu Amir al-Mu'minin après le prophète Muhammad alayhi salatu salam, فبايعوه تقدم معنا هذا dans la sira de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. وهكذا عمر quand il a été désigné, بايعوه وهكذا عثمان بايعوه. هذا c'est معروف. الإمام النووي رحمه الله il a cité une précision في شرح مسلم, une faïda qui n'est pas citée dans le kitab qu'on ajoute pour mieux éclaircir ce point. قال أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد. C'est pas une condition que tout le monde prête allégeance. Ça veut dire quoi prêter allégeance huna? Ça veut dire d'aller directement rencontrer le gouverneur, poser ta main sur sa main et faire le bay'a. Annahu tu lui obéis, annahu sa'amil al-mu'minin, et annahu tu prends l'engagement de ne pas lui désobéir. Fa'hada, c'est pas une condition que tout le monde le fasse. Encore moins al-awam, la masse des gens. Qala, wa innama yushtarat mubay'atu man tayassara ijma'uhum min al-ulama war-ru'asa wa wujuh an-nas. Na'am, yushtarat. C'est une condition que ceux qui peuvent aller rencontrer Hadal Amir min al-ulama war-ru'asa, ceux qui ont une place, مثلاً des chefs de qabail ou autres dans ce pays, annahum yubay'un hadha al-amir. ثم قال ولا يجب على كل واحد يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه وإنما يلزمه. Donc c'est pas une condition que tout le pays. Maintenant on vit dans un pays musulman où il y a un nouveau gouverneur et ce pays musulman il y a 30 millions, 40 millions d'habitants. Là, أحد يقول أن les 30 millions ils doivent se déplacer aller chez le Amir et poser leurs mains sur sa main et faire lui prêter allégeance. أبدا. لا أحد يقول بهذا. قال بل إنما يلزمه أي يلزم جميع الناس الانقياد له وأن لا يظهر خلافا في أن لا يظهر نعم أن لا يظهر خلافا ونعم وإمامكم نعم أو on répète وأن لا يظهر خلافا ويشق العصا. هذا سي interdit. لماذا؟ لأن celui qui ne prête pas bayat directement en posant sa main sur la main du gouverneur, comme on vient de citer, c'est pas tout le monde qui peut le faire et c'est pas tout le monde qui doit le faire. Donc si les savants, certains savants ils le font, certains responsables ils le font, il a akhiré des proches ils le font, moi les autres, le fait qu'ils ne se rebellent pas, qu'ils ne montrent pas qu'ils ne sont pas d'accord, ayyadan billah, comme dans certains pays avec des manifestations, des boycotts ou autres, enfin, si tout le monde se tait et obéit, ça montre que tout le monde accepte hadhihi al-bay'a. Et c'est ça المقصود هنا ولله الحمد. قال on revient à la parole de Cheikh Abdussalam, انتهى كلام النووي رحمه الله ومعنى البيعة العهد على الطاعة أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين. Donc c'est ça البيعة, العهد un engagement على الطاعة d'obéir à ce gouverneur. أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم. نعم كذلك accepter que ce imam qui va prendre des décisions, c'est lui qui va diriger le pays. La chèque qui va prendre beaucoup de décisions, ce Amir. On accepte son autorité. قال ولا ينازعونه في شيء من ذلك. كذلك ne pas s'opposer في شيء من ذلك. C'est lui qui prend les décisions et c'est lui l'Amir et c'est lui le responsable. قال ويطيعه الجميع فيما يكلفهم به من أمر في المنشط والمكره بشرط لا يكون الأمر بمعصية لله كما سيأتي. كذلك le fait de lui prêter allégeance, de faire le bay'a, ça implique de lui obéir dans la difficulté, dans la facilité, dans ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, comme ça يأتي معنا dans le deuxième حق في السمع والطاعة inshallah. لكن بشرط que ça soit pas une marsiya. أما si il ordonne de faire un péché, et il a précisé, on lit بشرط لا يكون الأمر بمعصية الله كما سيأتي, ça va venir inshallah. أما si il ordonne de faire une marsiya, فهذا Bien sûr, on n'obéit pas. قال وتكون هذه البيعة بالمصافحة والكلام أو بالكلام وحده أو بالكتابة. طيب. Donc البيعة c'est pas une condition كذلك que ça soit forcément la main de celui qui prête allégeance, il la pose sur la main du amir. Ça peut être كذلك بالكلام, en parlant à notre époque مثلا par téléphone, أو بالكتابة. أو avec un message, avec une lettre, avec un fax, avec un mail, il a. Et هذا الآن les gens يتعاملون بهذا اسم معروف. قال دليل وجوب البيعة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ من مات وليس عليه إمام من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. Et c'est le même معنى. Donc le hadith il est sahih, il est في صحيح مسلم. Celui qui meurt وليس في عنقه بيعة, alors qu'il n'a pas prêté allégeance à cet imam. Et تقدم معنى, c'est pas une condition pour tout le monde. لكن même s'il n'a pas prêté directement, il accepte l'autorité de cet imam. Mais s'il n'a pas prêté allégeance et il n'accepte pas l'autorité et il ne reconnaît pas cet homme comme amir, s'il meurt, مات ميتة جاهلية. Il meurt comme ceux qui sont morts à l'époque de l'Jahiliya. Ay, khalafu fi hadha al-amr wa asab. Ils ont désobéi. قال فأفاد الحديث وجوب عقد البيعة للإمام القائم المسلم وأن المطالب بها جميع وأن المطالب بها جميع المسلمين الذين تحت ولاية هذا الإمام وبين العقوبة المرتبة على عدم وجود البيعة في عنق المسلم. نعم dans ce hadith c'est cité العقوبة et la punition, le châtiment que risque celui qui ne prête pas allégeance ou qui n'accepte pas l'autorité de ce amir. قال وهي كونه يموت كحال أهل الجاهلية على الضلال والعياذ بالله. Donc ça ne veut pas dire que celui qui meurt في هذا الحال c'est pas un musulman et c'est un mushrik comme أهل الجاهلية. لا. لكن كما قال الشيخ أنه حاله كحال أهل الجاهلية. Sa situation elle ressemble à la situation de la période pré-islamique, ils ne donnaient aucune importance à l'autorité et ils étaient à la dhalal. C'est pour ça que celui qui meurt à la dhalal, il ressemble à haoula. Voilà, chacun a ce qu'il a fait, c'est un péché, il est mort sur ce péché et sur cet égarement. Wal'iyadu billah. قال أما من نقض هذه البيعة فإن هذه العقوبة تناله لقوله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. كذلك من نقض هذه البيعة. Celui qui a prêté allégeance au départ ou qui a accepté, ثم نقض ذلك. Il annule cette بيعة. Et à un moment donné, à cause d'une شبهة, à cause d'un égarement, à cause de mauvaise fréquentation, il rejette l'autorité de cet imam. Et pour lui, c'est pas un imam légitime. C'est pas un imam qui mérite de gouverner. Et il ne respecte plus son autorité. Bel, haoula, ils vont appeler au khuruj, à se rebeller. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان فإنه من خرج من السلطان شبرا. Celui qui se rebelle contre les autorités, contre le sultan, contre le gouverneur, شبرا. شبرا, c'est une très petite distance, quelques centimètres. Vous avez remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité la même uqouba que celui qui n'accepte pas aslan l'autorité de l'imam, de l'amir. قال أخرجه البخاري ومسلم وفي صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كما تناله عقوبة القتل. Donc on répète. أخرجه البخاري ومسلم. Donc les deux. عن ابن عباس رضي الله عنهما. Donc le hadith est في الصحيحين عن ابن عباس. قال كما تناله عقوبة القتل لحديث عرفجة ابن شريح الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم في صحيحه. نعم هذا bien sûr ça revient aux autorités. Si واحد veut se rebeller contre l'amir et il veut diviser الأمة et الأمير ولله الحمد يتمكن منه. فدانس كا يجوز en appliquant le prophète le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم يشرع قتله أي sa punition أن يقتل في الدنيا et la punition في الآخرة أنه il meurt dans ce cas là comme ceux qui avant l'islam qui ne reconnaissaient aucune autorité عياذا بالله من ذلك. Amma, le deuxième point, ça demande un peu de temps. Et on laisse Sahada pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, walillahi alhamd, on a étudié ensemble le premier haqq. Min huquq al-amir, al-sultan. Le premier droit que le gouverneur il a sur nous, c'est al-bay'a, de prêter allégeance. Celui qui peut directement, alhamdulillah, s'il peut, qu'al-ulama, ou ceux qui ont une haute responsabilité, ou ses proches, ha'oula, ils prêtent allégeance directement, wa illa fal-baqi, alhamdulillah, ils acceptent son autorité. Et c'est ça leur bay'a. Et surtout, ils ne s'opposent pas. Ils ne s'opposent pas contre ce amir. L'imad al-yana s'opposer, ne pas accepter l'autorité de ce amir, alors que c'est un musulman, et les gens, ils ont prêté allégeance, enfin, celui qui meurt, ala had al-hal, il meurt comme ahl al-jahiliya, avec cet énorme péché et cet égarement. Hakada, celui qui accepte, thumma, à un moment donné, il rejette cette bay'a. Hada kadalik semina al-dhalal, المبين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ولاة أمور المسلمين وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين